Ah ouais. L'exhaleur. Ce monde nous appartient autant qu'à Barack Obama. L'humain ne change pas, c'est pas beau à voir. À transformer les zones urbaines en rat de laboratoire. Eh ouais, nique les clones qui vont me piquer mes idées. Du mal avec ma vie et toi t'arrives à la désirer. Y'a que quand j'ai trop fumé que j'apprécie le panorama. Du liquide dans les poumons, j'ai jeté allô ma voix. Allô maman, est-ce que ça va? Moi j'ai envie de me barrer plus loin qu'à Ottawa. Les années fermées, le cancer est en phase terminale. Sans transfert et les sans pas ne vont pas refaire l'histoire. Un visage sous la capuche en diadora noir. Des images de grabuge dans le diaporama. Est-ce qu'on prendra conscience de l'amour véritable? De ce qu'on va leur laisser chaque jour en héritage. La vérité est cachée ici alors que c'est le chaos là-bas. Mais tous mes chiens sont avertis et restent là aux abois. Moi j'ai voulu lâcher le rap, à croire que j'ai tout dit. J'ai l'utile à l'agréable, j'fume de la peu et j'bookie. On m'a demandé combien, j'ai dit à peu près tout pile. J'perds plus mon temps à me demander ce que je devrais vous dire. J'ai aucune fame, non, j'ai pas misé ce qu'il faut. J'monte sur scène, pour moi ça vaut toutes les remises de diplôme. J'écris pas mes textes comme on rédige un contrat. J'écris mes textes comme on rédige un constat. Je me pose et je pense à ma vie, je me sens un peu étourdi. Je me dis tellement ça va vite, bientôt je serai vieux et tout gris. Tellement ils veulent plaire aux filles, faire du son pour les tout petits. Dans leur tête y'a un conflit entre Lidl et Gucci. Cerveau qui crame quand ceux qu'on aime pour de vrai nous quitte. Vis ma vie en freestyle sans jamais avoir de vraie routine. Même s'il va pas bien, j'ai envie de gueuler pour dire que ce monde nous appartient autant qu'à Joe Biden et Poutine. Toi t'es pas égoïste mais tu penses d'abord à toi. Peu importe la religion, l'homme a mis à mort la foi. L'argent a son parfum, demande à Paco Rabanne. Mais ce monde nous appartient autant qu'à Barack Obama. Non, toi t'es pas égoïste mais tu penses d'abord à toi. Peu importe la religion, l'homme a mis à mort la foi. L'argent a son parfum, demande à Paco Rabanne. Ce monde nous appartient. Panorama, panorama, panorama. Mal et s'affole, la violence est banale. Les mains sales, on s'affale, on a massacré sa folle. On finira fossile, j'ai bossé, fait la forme. Ouais, ce soir, je m'égosille, j'ai forcé sur la viole. On enterre la morale, parano, ça parle trop. Les barreaux, les parois, rendent paro ma parole. L'arvalo, ça racole, et le cabot à bois. Les esprits restent étroits comme ce panorama. Des connards en un mot, on y perd en humain. Dis-moi, ton pire ennemi est-il différent du mien? Va comprendre, il est con, faux, fatigué, c'est sûr. Il a construit des ponts pour fabriquer des murs. Ne viens pas ricaner, c'est normal si ça pète. J'ai trop pâle, vise ma tête, j'ai bien failli stagner. Putain de pari gagné, tout ça pour disparaître. Il faudra vivre avec et bien se barricader. Y'a des poireaux, des barbelés, ça rend les raclos malades. On nous a trop écartelés, navrant et ce panorama. Charclos à poil et farfelus, garrot sur accro à balle. Des cerveaux martelés qui s'endorment avec Arcopharma. Une jolie couche de pollution, mais je viens de là où l'air pue. Une petite touche de corruption pour mettre le peuple sous perfu. Des humains qui dorment dans la rue, quand même pas une couverture. Des élus qui volent dans la caisse et qui voudraient nous exclure. J'y vois pas clair, je regarde loin, mais je crois que tout est peut-être flou. Y'en a qui font tourner cette roue en croyant trouver le mec tout. On va pas faire mouiller des schnecks, vaut mieux qu'on tourne cette route. On n'a pas fait clouer des becs, ils se sentent pousser des couilles. Des barreaux de chaises qui sont rouillés, qui sont vissés à nos fenêtres. Et j'aperçois des petits soldats qui jouent les caporales. On en a marre au quotidien de respirer de la grosse merde. Montreuil-sous-Bois, non, c'est pas un décor de carte postale. Toi t'es pas égoïste mais tu penses d'abord à toi. Peu importe la religion, l'homme a mis à mort la foi. L'argent a son parfum, demande à Paco Rabanne. Mais ce monde nous appartient autant qu'à Barack Obama. Non, toi t'es pas égoïste mais tu penses d'abord à toi. Peu importe la religion, l'homme a mis à mort la foi. L'argent a son parfum, demande à Paco Rabanne. Ce monde nous appartient. Panorama, panorama, panorama. C'est la plume belle quand elle est triste et mélancolique. Un temps de crise où je rêve d'un 4 plutôt bucolique. Sache les coups de grâce de cette vie peuvent rendre alcoolique. Faut beaucoup de grâce pour tenir quand la vie te nique. Mon encre coule, mon œuvre on l'ouvre et je vous livre ma colère. Un globe multicolore, j'en ai vu toutes les couleurs. Croyant que la vie est belle, j'en ai bouffé des couleurs. Faisons le tour du monde, la misère et de sa douleur. Panorama, panorama, pas trop rama. De voir des pauvres gens aller chez Dollarama. Tandis que d'autres engrangent des putains de dollars en masse. Sur le dos des démunis qui eux sont à la ramasse. Toujours autant de conflits entre Mossad et Hamas. Sache que mon cœur est sale car c'est Kayas contre Famas. Panorama, panorama. L'exal faudrait qu'on se casse au canal du Panama. Prends la faiblesse du corps par la force de l'esprit mat. L'étroitesse des portes que l'on force quand je m'exprime. J'aime rapper l'indolence, la pièce maîtresse comme fer de lance. Et la détresse se fait violence. J'aime pas ressentir le manque, moi j'aime la fuite en avant. J'ai ce grand vide dans le ventre qu'il faut combler. Mes feats ne sont pas à vendre, sans l'équipe passe avant. On est ensemble et sans trembler. Si la tendresse passe, mais les tensions durent. Face au mur, je rêvais d'espace, mais les temps sont durs. Les fils de timbre augmentent comme le prix du pain. Panorama, envie de violence quand j'ai pris de peindre. J'ai pas géré mes nerfs ni mon anxiété. J'ai peur des jours de merde, de la grande chienneté. Au fond, j'ai tout baisé autour, reste que ma vie, c'est pas faux. J'aime nourrir les vautours de mes mains vides, panorama. Toi t'es pas égoïste, mais tu penses d'abord à toi. Peu importe la religion, l'homme a mis à mort la foi. L'argent a son parfum, demande pas qu'au rabat. Mais ce monde nous appartient autant qu'à Barack Obama. Non, toi t'es pas égoïste, mais tu penses d'abord à toi. Peu importe la religion, l'homme a mis à mort la foi. L'argent a son parfum, demande pas qu'au rabat. Ce monde nous appartient. Panorama, panorama, panorama. J'ai grimpé la montagne pour contempler la vue. Trouer la tatane, saler la bataille, ce n'est qu'un condensé de la rue. Défier Lucifer, crier dans l'oratoire. Prier l'univers, le voir briller dans l'opale noire. J'ai vu leur chef se marcher dessus sans aucune touche de sens. De jeunes vies, bref, se noyer sous une mer rouge de sang. Dites à ceux qui ont parqué la thune, qu'ont paqué la brume, qu'il faudra bien raquer la prune. J'ai posé l'apéro sur la table d'orientation pour masquer les zéros, le vice, le drame et la tentation. Sentir le souffle sur mes yeux, les voir mourir en peine. Seul et sous, mater les cieux pour m'endormir en paix. Prolétariat que des parias dans mon panorama. Parano, y'a des sourires qui passent pas au radar. Prends pas de photo rapta. On a John H, c'est une misère et crasse au prorata. Allo Marianne, Bobo, parle qu'au chaman, poto. J'ai bu la tasse mais touche pas à l'Oana. A l'horizon je vois qu'influenceur et fashionista. C'est un coup de followers maintenant qu'on façonne l'histoire. Bienvenue au pays des lumières un peu sistra. Fin du bal, j'attends ma paye, les voyous n'applaudissent pas. Petit du bloc, n'ont aucun tac, connaissent que l'amour canal. Plus sur les murs du hall y'a écrit à mort la bac. Pas du Colorado, j'allais à l'école en radeau. Gentil couché, petit raclou, raconte ta colère à d'autres. C'est la camoraman, coupe la caméra zap. Prochaine pochette devant le panneau Braza. Toi t'es pas égoïste mais tu penses d'abord à toi. Peu importe la religion, l'homme a mis à mort la foi. L'argent a son parfum, demande pas qu'au rabat. Mais ce monde nous appartient autant qu'à Barack Obama. Non, toi t'es pas égoïste mais tu penses d'abord à toi. Peu importe la religion, l'homme a mis à mort la foi. L'argent a son parfum, demande pas qu'au rabat. Ce monde nous appartient. Panorama, panorama, panorama.